Quand ils ont fini, Griffe se précipite pour les servir de nouveau. Pousset. Vous avez là un fameux vin. Oui. Mais vous, ce n'est pas du vin que vous buvez, ce liquide rouge. Non. Qu'est-ce que c'est ? Du sang. Je le conserve à température animale. Excellent pour la santé. Veux-tu en goûter ? Non, sans façon. À ta guise. Tu ne veux toujours pas me dire qui tu es ? Décidément, vous n'aimez pas le mystère. Pas trop n'en faut. Ta visite est étrange, c'est un fait. Étrange ? Vous valez pourtant le dérangement, morbleu. Très obligé. Et en plus de tout, quelle promenade je vous dois, Seigneur, par cette nuit divine, car elle est divine, j'y insiste. Et je suis sûr que si Vénus, par exemple, se décidait brusquement à renaître sur Terre, c'est cette nuit-ci qu'elle choisirait. De grandes végétations pendraient du ciel, et la caravane se mettrait doucement à descendre vers nous le long des lianes et des plantes. Adorable vision. Qu'en pensez-vous ? Rien. Dommage. Tu en penses pour deux. Si je pensais comme toi, on ne s'entendrait plus ici. Vous avez diablement raison, je bavarde trop. À vous maintenant. Oh, moi, c'est toujours aussi simple. Je voudrais savoir qui tu es, voilà tout. Vous avez de la suite dans les idées. Dans l'idée, oui, dans une idée. Qu'est-ce que tu regardes ? Votre maison. Comment la trouves-tu ? Très dans la note, du moins à l'intérieur, car au dehors, elle trompe son monde. Parbleu ! Et d'ailleurs, c'est tout à fait comme ça que je me l'imaginais. Bonasse, un peu pataude, rassurante au possible. Le type même de la souricière, quoi. Tu as de la malice. Je vous voyais très bien, par exemple, en train de vous distraire à piper des enfants comme des oiselets. Venez avec moi, mes agneaux, leur disiez-vous. Ma maison est la vôtre. Je vous ai préparé un bon goûter et vous pourrez jouer avec mes arquebuses. Ha ! Ou bien encore, tenez, je voyais une troupe d'enfants perdus dans la forêt, s'engouffrant ici comme dans un refuge et courant se chauffer au creux de la cheminée. La cheminée, oui, c'est la seule chose que je m'étais figurée de façon différente. Hein ? Comment te la figurais-tu donc ? Immense. Comme je viens de vous le dire, dans mon esprit, cela composait une sorte de tableau. Une cheminée immense, et dedans, 6 ou 7 petits garçons se blottissant à l'aise. L'ogre. 7 petits garçons ? Pousset se rendant compte qu'il a trop parlé. 7, 8 ou 10. Je dis 7 comme je dirais un autre chiffre. Ce n'est pas vous qui pouvez vous plaindre de la quantité. Vous devez aimer des familles nombreuses. L'ogre. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez ? Tu as tout de même dit 7. C'est tout naturel. Pourquoi ? Tu avais 6 frères, peut-être ? Moi, non, je suis fils unique. Mais le chiffre 7 est celui qui vient toujours le premier à l'esprit. C'est le chiffre fondamental. Comment ça ? C'est le symbole primordial de l'harmonie des mondes. La création a demandé 7 jours, les vaches maigres étaient 7, les vaches grasses aussi. Il y a eu les 7 merveilles du monde et les 7 sages de la Grèce. Il y a 7 sacrements, 7 planètes, 7 péchés capitaux, 7 branches au chandelier, 7 notes dans la gamme. L'ogre. Et voilà pourquoi mes filles sont muettes. Vos filles ? J'avais 7 filles. Tiens. Et vous ne les avez plus ? Elles m'ont quitté. À cause de 7 garçons, justement. Elles se sont enfuies avec eux ? Elles sont mortes, assassinées par moi. Par vous ? Et je les aimais. Oh, les pauvres petites. Tu n'as jamais entendu parler de cette histoire ? Jamais, comment voulez-vous ? Hein ? Bien. Alors, assez là-dessus. C'est cela, ne nous attristons pas. Un peu de vin, ça vous changera du sang. Je ne me lasse pas du sang. Alors un peu de sang. Non, du vin. Voilà. Ils boivent. L'ogre. Plus je te regarde et plus je pense que je t'ai déjà rencontré. Oh, on m'a souvent dit ça. J'ai un visage assez quelconque en somme et qui ressemble à beaucoup d'autres. J'ai même eu par 2 fois la preuve absolument formelle que j'avais un sosie. C'est extrêmement gênant. Ouais. Je voudrais bien savoir pourquoi tu voyais une immense cheminée à la place de celle-ci. Je ne sais pas, on n'est pas maître de ses songes. Ou de sa mémoire. Ah, mais vous avez raison, j'y suis, j'étais influencé par ma mémoire. Tu vois, c'était chez l'autre. Quel autre ? Un autre ogre que j'ai connu jadis. Un ogre ? Nous ne sommes pas développés dans le monde. Où était-il ? En Afrique. Hein ? Oh, ce n'était pas du tout un ogre dans votre genre, non. Un gros croque-mitaine tonitruant qui vous faisait plus de peur que de mal. Un ogre sans caractère. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est certainement mort, il était déjà très vieux à l'époque. Et toi, bien jeune ? Oui, oui, moi, j'étais un enfant. Et il ne t'a pas mangé ? Non, c'était un ogre végétarien. Un ogre qui se nourrissait de légumes ? Poussé, et de jus de fruits. Alors, quel port ! Il était pourtant de votre race, un converti peut-être. À vrai dire, mes souvenirs sont vagues et je ne me rappelle bien de lui que deux choses, sa cheminée et ses bottes. Ses bottes ? Oui, il possédait comme tous les ogres des bottes de cette lieue. Comme tous les ogres, tu crois ? Pourquoi ? Vous n'en possédez point, vous ? Moi, si. Alors, seulement je suis le seul à en posséder. Quoi donc ? Les autres ont des avantages que je n'ai pas, mais les bottes de cette lieue, c'est moi. Eh bien, le mien en avait, cependant. Tu es sûr que c'est en Afrique que tu l'as rencontré, ton ogre ? Au fin fond, vous n'avez jamais dû en entendre parler, voilà tout. Tu m'étonnes beaucoup. Mais non, un être sans intérêt, je vous assure, et qui ne comprenait rien à rien. À qui l'on pouvait voler ses bottes, par exemple ? Comment ? On peut voler les ogres ? Non, on ne peut plus ! Ah bon ? J'ai le sang à la tête, il fait une chaleur chez vous. Tu rougis beaucoup, en effet. Il y a de la faute à votre vin aussi, il est trop bon. Bon, ça t'a délié la langue. Vous la trouviez empruntée ? Empruntée, oui, c'est ça, littéralement. Ma conversation vous ennuie ? Au contraire, ainsi vous possédez aussi des chaussures magiques. Oui. Ce sont celles que vous avez aux pieds ? Non, elles sont là, tiens. Il va prendre une paire de bottes dans un coin et les lui montre. Est-ce qu'elles ressemblent à celles de l'Africain ? Ma foi, autant qu'ils m'en souviennent, c'était des bottes d'aspect banal, comme celle-ci d'ailleurs. Jamais on ne supposerait que des instruments pareils font cette lieu d'un seul coup. C'est tentant, hein ? Oh, pas pour moi, je déteste aller vite. Et ces bottes seraient miennes, je ne songerais pas à m'en servir souvent. Tu es un ingrat. Comment ? Je veux dire, tu serais un ingrat. Remarquez bien que je ne prétends pas qu'il me serait désagréable d'en posséder une paire, je ne vais pas jusque-là. Mais enfin, je ne lèverai pas le petit doigt pour me la procurer. À quoi bon ? À quoi bon essayer de se la procurer, surtout ? C'est juste, vous devez y tenir énormément. Mets-toi à ma place. Il va ranger ses bottes. On m'avait pourtant raconté que vous pouviez en avoir à discrétion. On exagère. Mais alors, comment osez-vous les quitter ? Je prends des précautions. Ah oui ? Tu aimerais savoir lesquelles, hein ? Moi, non. Comment t'appelles-tu ? Vous voulez vraiment savoir mon nom ? Oui. Bien. Je m'appelle Jean-Noël, vicomte de Labat et marquis d'Outremer. Peste ! Tu as eu de l'avancement. Pardon ? Tu n'as pas toujours porté ces noms-là. Mais si, ma famille est ancienne, Beausire. Nous descendons des rois fainéants, par les femmes. Des femmes de plantes roses, alors. Quoi ? Et des bûcheronnes en particulier, dis, salaud ! Il se regarde fixement, Poussé se lève. C'est bien, seigneur, je suis votre homme. Tu as des mots de situation, mes compliments. Du tout, c'est une formule. Dans ce cas, je suis ton ogre. Et tâche d'entendre bien ce que je te dis, je suis ton ogre, Pousset. Merci. Ainsi tu es revenu, ordure. Pas d'insulte inutile, seigneur. Il tire son épée. L'ogre. Qu'est-ce qui te prend ? L'envie de me défendre. Avec ta petite aiguille, là ? C'est une aiguille qui sait fort bien découdre. Oui ? Eh bien, regarde, mon mignon. Il arrache brusquement l'épée de la main de Pousset, en casse la lame d'un coup sec et en jette les morceaux par terre. Griffe pousse un cri. L'ogre à Griffe. Qu'est-ce que tu as à gueuler comme ça ? Griffe, ne le tuez pas, monseigneur. Sors d'ici ! Ne le tuez pas. Vas-tu sortir d'ici à la fin ? Il la prend par un bras et la jette dehors. Revenant. Et maintenant, assez de jonglerie. Le frangeux, pourquoi es-tu revenu ? Pour vos bottes. Celles que tu m'as volées ne te suffisaient plus ? Elles sont mortes. Et alors tu es venu pour m'en dérober d'autres ? Pour que vous m'en cédiez d'autres. Mais qu'est-ce que tu pensais, donc ? Que j'allais aussitôt en décrocher la paire, te les graisser, te les faire luire, et m'excuser de ne pas te les livrer à domicile ? Pourquoi pas ? Et tu ne t'es pas dit qu'en fait de bottes de cette lieu, tu sortirais d'ici les pieds devant et déchaussé ? Si c'est par la terreur que vous pensez m'avoir, vous perdez votre temps. Qu'est-ce que ça fait ? J'en ai de reste. Un conseil. Rendez-moi donc bien gentiment ma liberté, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ta liberté ? Et qu'en feras-tu de ta liberté ? Te voilà redevenu un avorton normal, un avorton comme les autres, et dont la vie, si je te la laissais, serait pareille à toutes les autres vies. Après celle que tu as menée, ça t'est égal ? Écoutez-moi. Oui, j'ai dans cette bourse une somme considérable. Ah, c'est vrai, tu es riche, je l'avais oublié. Je ne suis pas riche, cette somme est importante, mais elle est tout ce que je possède. Allons donc, et le reste ? Le jeu. Quoi, le jeu ? Oui, le jeu. J'ai tout perdu au jeu. Tu as encore ton palais ? Propriété du roi. Des équipages ? Un carrosse que je n'ai pas payé. Alors, tu as ce pourpoint ? Oui, là, celui que tu portes, tout broché de fil d'or. Oui. Tout semé de perles et d'émeraudes. Oui. Une fortune, dis donc ! Je n'y pensais plus. Je le gobe, moi, ton costume. Qu'en feriez-vous ? Je le mettrai là, tiens, au-dessus de la cheminée. Agréable décoration, ça manque de fanfreluche ici. Entre autres, oui. Rends-toi compte, la dépouille de mon ami Poussé, c'est ça qui me réjouirait l'œil. Poussé soit, mon habit et ma bourse contre la liberté. Oh, je t'égorge et ils sont à moi. La bourse, oui, mais l'habit, quoi, vous ne l'aurez pas intact. Si fort que vous soyez, vous supposez bien quand même que je me défendrai. Vous me ferez plusieurs blessures, Seigneur, avant que je me décide à mourir. Et vous le souillerez de toutes les façons, ce costume. À mon âge, on a beaucoup de sang. Ça coule rouge et ça coule fort. L'ogre, tant mieux. J'aime qu'on se défende. Est-ce que tu t'imagines par hasard que les enfants se laissent faire quand je veux les saigner ? Mon pauvre ami. Mais ça se défend, tu sais, un petit enfant qu'on égorge. Ça se défend même très bien. Sinon, où serait le plaisir ? Vous n'êtes donc pas blasé depuis le temps ? Oh, ça ne me fait plus jouir autant qu'avant, bien sûr. Poussé, ça doit être d'un monotone. Assez banal, oui, je le reconnais. Poussé. Et quoi d'étonnant ? Avec votre grosse force animale, toujours sûre d'elle-même, où est l'imprévu dans tout ça ? Il n'y en a pas. C'est bien ce que je pensais. Ah, on ne doit pas s'amuser tous les jours, ici. Ça me suffit comme ça. Allons donc. Mais le seul piment de nos pauvres journées, c'est de pouvoir provoquer le hasard, mon cher. Le hasard ? Je ne connais pas. Tant pis pour vous. Les plaisirs qu'il dispense sont les seuls qui aient du prix. L'ogre. Exemple ? Poussé. Exemple ? Il fait sauter sa bourse dans sa main. L'ogre. Ah oui, le jeu ! Poussé. Oui, l'angoisse adorable du jeu. Et plus l'enjeu est gros, plus l'angoisse est exquise. Deux histoires, tout ça. Essayez. Entendu, j'essayerai un de ces jours. Pourquoi pas tout de suite ? Tout de suite. Jouons ? Qu'est-ce que tu veux jouer ? Ma liberté. Je te l'ai prise. Justement, je vous la joue. Contre quoi ? Contre mon or et mon habit. Encore, non. Évidemment, vous avez peur de perdre. Peur, moi ? À quoi jouerions-nous d'abord ? Au dé ? Je n'en ai pas. Poussé sortant fébrilement des dés de sa poche. J'en ai. Il jette les dés sur la table. Mon or et mon habit contre ma liberté. L'ogre. En trois coups ? Poussé. En un seul. Tenu. Poussé. Je n'ai pas de cornet. L'ogre prenant les gobelets et en jetant le contenu sur le sol. Tiens. En un seul coup, un seul. Tu gagnes et tu es sauvé, tu perds et tu es perdu. Excitant, excitant, tu as raison. Très excitant. Ils ne sont pas pipés, dis donc. Vérifiez. L'ogre vérifiant les dés. Non. Bien. Vas-y. Poussé, amenant. 10. L'ogre ramassant les dés. Oh, oh. Il les lance. 11. Ha ! Poussé, c'est bien. Il enlève son habit, le pose sur une table. Tu es moi maintenant. Pas encore. Parce que c'est amusant de jouer. Je n'ai plus rien. Ce n'est pas mon avis. Comment ? J'allais t'offrir une mort magnifique. Joli cadeau. C'est plumé comme une oie que je te veux, cadavre. Poussé ouvrant les bras, se regardant lui-même. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? L'ogre. Dépouillé jusqu'à l'os de tous les biens de ce monde. Poussé ouvrant les bras. Eh bien ? L'ogre. Mais regarde-toi, regarde-toi donc. J'allais comme une triple buse te saigner au plein de ta jeunesse, de ta force et de ta beauté. Poussé, ce sont des biens dont je ne dispose pas. Toi, non, mais moi. Vous ? Oui. Ma santé ? Ma jeunesse ? Oui. Est-ce que tu joues ou est-ce que tu ne joues pas ? Si je gagne, vous me rendez ma liberté ? Oui. Et si je perds ? Si tu perds, je fais peu à peu de toi un tel cauchemar puant que les démons eux-mêmes se boucheront le nez. Tu veux des détails ? Je m'en rapporte à vous. Je croyais que tu aimais les détails. pas les vôtres, vous racontez trop mal. L'ogre, santé d'abord, poussez, à vous de faire. L'ogre, amenant. 5, poussez, amenant. 3, l'ogre, tu as perdu. Beauté, poussez, oui, l'ogre, vas-y, poussez, amenant. 7, l'ogre, amenant. 9, tu as perdu. Poussez. Alors, ma jeunesse, il lance les dés. 11, le vent a tourné. L'ogre, amenant. 12. Je te ferai pourri de lèpre et d'ulcères coulants. Poussez. J'ai perdu. Je ne te tuerai pas tout de suite. Je te laisserai croupir et crever lentement, jusqu'au jour où tu sentiras trop mauvais. Et ce jour-là seulement, je te tuerai à coups de pied comme un renard blessé qui ne peut plus s'enfuir. Poussez. Non. L'ogre crie, hurle, supplie et vocifère. Tu gueuleras plus fort bientôt pour être délivré de toi-même. Poussez. Eh bien, ce n'est pas vrai. Quoi ? Vous n'avez pas gagné. Je ne t'ai pas tout gagné ? Le reflet, mais non pas la flamme. L'écho, mais non pas le chant. Qu'est-ce que tu racontes ? Ma vérité. Par vous, je vais corrompre, abreuver d'abjection, soit. Quoi qu'on fasse, on fait toujours naufrage et nous sommes tous des condamnés à mort. Mais il est une part de moi qui reste insaisissable, que je garde et que j'emporte et que vous n'aurez pas. Qu'est-ce que c'est ? Vous ne sauriez comprendre. Pourquoi ça ? Parce que cette part, justement, Dieu vous l'a refusée, et que là, justement, est votre châtiment, parce que dans l'équilibre ignoble de votre souffle, vous ne connaissez rien d'autre que la haine. C'est un sentiment fort, moins que l'amour. Avec ça, la haine ne sert qu'à vivre et ne sert qu'à tuer. Et l'amour, à s'évader. Qu'est-ce que tu appelles l'amour, d'abord ? Les femmes ? Une femme. Il n'y a pas qu'une femme, heureusement. Pour moi, il n'y en a qu'une. Je te plains. Il ne vous est même pas permis de m'envier. L'ogre balayant tout effort pour comprendre. Trop fort pour moi, poussez. Grâce au ciel, car si vous compreniez, si votre pensée pouvait seulement l'effleurer, cet amour en demeurerait à tout jamais souillé. L'ogre, foutre. Qu'est-ce qu'elle a donc de particulier, ta donzelle ? Je lui appartenais déjà que je ne savais pas encore que je l'aimais. Je me suis senti tout à coup plus joyeux, plus fier, plus fort, et c'était cela. L'amour était entré peu à peu en moi avec son impérieuse et sa douce insistance. Et elle, je viens de vous le dire, elle est ma joie, ma fierté, ma force, ma vie véritable, celle qu'on ne peut pas me prendre même en me prenant ma vie. Elle t'aime ? Comme je l'aime. Elle t'aime ? Elle ne me l'avait pas encore avoué que je le savais déjà. L'ogre, bien romantique tout ça, moi je l'ai... Taisez-vous ! Et c'est tout de suite fini. Enfin, n'importe, il ne sera pas dit que je ne t'ai pas laissé une chance. Cet amour dont tu parles, tu l'as, tu en es bien sûr. Oui, je te le joue. Ah, non. Je te le joue. Non. Pour être libre d'aimer, je pouvais tout risquer, et jusqu'à ma jeunesse, laideur, misère et maladie, mon amour était assez fort, mais cet amour lui-même, je le préserve, je le retiens. Désormais, je ne suis plus qu'un battement de cœur, et vous avez perdu. Pour cet amour, tu as tout sacrifié ? Ta vie en venant ici, ta fortune et ta force, ta grâce et ta fraîcheur. Si c'était possible, je recommencerais. Je te le joue contre tout ce que tu as perdu. Quoi ? Contre tout. Oui, contre tout ce que tu viens de perdre. Vous mentez. Si tu gagnes, tu repars comme tu étais venu. Que dis-je ? Mieux encore, plus riche. De quoi ? D'expérience. Joues-tu ? Non. J'y ajoute mes bottes. Comment ? Oui, mes bottes. Celle de 7 lieues. Si tu gagnes, tu m'auras de nouveau complètement battu. Ah, vous êtes le diable pour me tenter ainsi. Joues-tu ? Oui. Adjugez. Eh bien. Attends. Qu'est-ce que vous avez ? Il n'est ici aucune rémission, d'aucune sorte. Il n'est aucun sursis, et j'exige que tu payes comptant. D'accord ? Ton enjeu ? Quoi ? Oui, sa demeure, son nom. Rolande de Racoval, château de Racoval. Racoval, à 30 lieues d'ici? Oui. L'ogre, allant vers la porte. Je n'engage pas une partie pareille sans avoir ton enjeu à portée de la main. Il ouvre la porte et appelle. Belle gueule! Poussez, qu'est-ce que vous faites? Entre belle gueule. L'ogre va prendre les bottes de cette tueuse et les lui donne. Chausse mes bottes. Racoval, le château. Roland de Racoval, ramène-la. De la part du marquis d'Outremer, alias Pousset, pour les dames. Si elle ne te croit pas, montre-lui les bottes de cette lieue. Elle croira que ce sont les siennes, elle viendra sûrement. Et cours, tu as 5 minutes. Pousset, non, non, l'ogre, va. Belle gueule découvre ses dents dans une sorte de rictus. Il prend les bottes et sort. L'ogre, et de la douceur, s'il te plaît. De la douceur avant toute chose. Pousset, je vous dis que non. L'ogre, revenant, au jeu. Vous n'avez pas le droit. Je le prends. Joue. Je ne veux pas qu'elle vienne. C'est trop tard. Je ne veux pas que cette brute la touche. Tu as tort. C'est indélicat. Je n'avais pas compris ce que vous vouliez faire. Cette femme est innocente. Ce serait monstrueux. Tant pis. Pour qui la prenez-vous donc? Pour une fille de ferme? Pour une femme. Je ne veux pas que votre regard se pose sur elle. Je ne veux pas que son regard se salisse en se posant sur vous. Dis donc, dis donc. Et cette puanteur de bête qui règne ici et qu'elle ne pourra pas respirer dès le seuil, vous m'entendez, sans s'évanouir. Tu la ranimeras. Rolande, mon amour féerique, tout de flamme et tout de pureté, enlevé comme un butin promis, jeté à vos pieds comme une proie. C'est moi qui serai au sien. Je sais vivre. Avez-vous pensé à sa frayeur, à sa honte, à sa colère? Si elle t'aime, tu la calmeras vite. C'était mon sentiment que je voulais jouer, et non pas son objet. C'est ça. Et tu te serais consolé de mourir en te croyant aimé. Merci. Pas si bête. Joue. Non. Joueras-tu à la fin? Je peux perdre. Bien sûr. Et si tu perds, je la garde. Et toi, et tout avec. Non, non. Mais si tu gagnes, tu l'emmènes avec tout ton butin. Elle vient et tu triomphes. Elle vient et je triomphe. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Rien. Alors va. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oui. Préfères-tu des cartes? Non, pourquoi? Les dés ne te portent pas bonheur. Tant pis, on verra bien. Donc, les dés? Non, je ne jouerai pas. À moins que vous ne me juriez le silence, que je gagne ou que je perde vis-à-vis d'elle le silence. Tu n'es donc pas aussi sûr d'elle que de toi? Jurer ou je ne joue pas? Je ne lui dirai rien. Jurez! Foi de gentilhomme. Pousset le regarde droit dans les yeux. Tu es satisfait? Oui. Comme c'est ta dernière chance, je vais même t'accorder une faveur. Laquelle? On va la jouer en 2 manches et la belle. Si vous voulez. Tu vois que je suis bon prince. Allez, joue! Pousset, je t'en les dés. 5. L'ogre, riant avec mépris et ramassant les dés pour jouer à son tour. Ha ! Mon pauvre ami. Rideau. 3e acte. Il n'y a pas d'entracte. Le rideau se relève aussitôt. L'ogre et Pousset sont toujours dans la même position, l'un en face de l'autre, de chaque côté de la table. Pousset, jouant. 10. L'ogre, 1 à 1. Pousset, à la belle. L'ogre, c'est le cas de le dire, à la belle, mon garçon, à la toute belle. Pousset, amenant. 4. L'ogre, amenant. 4. Pousset, rampeau, à vous. L'ogre, amenant. 12. Pousset, amenant. 12. L'ogre, tu as de la veine. Vas-y. Pousset, je t'en les dés. 3. L'ogre, je t'en les dés. 2. Pousset. Vous avez perdu. L'ogre, charogne. Pousset qui remet son pourpoint et qui reprend sa bourse. Vos injures ne changeront rien à rien. Vous avez perdu, vous avez perdu. Et après? Et après, vous allez payer parce que vous avez tout perdu. Oh, tu vas te taire, oui? À l'heure qu'il est, il ne s'agit plus d'être bon prince, il s'agit d'être beau joueur et c'est plus difficile. Mais j'aime autant vous avertir. Il est interrompu par un bruit comme d'une chute lourde à l'extérieur qui les fait brusquement se retourner tous les deux vers la porte. Celle-ci aussitôt s'ouvre toute grande et Belle Gueule, le visage épanoui, apparaît sur le seuil, portant dans ses bras Rolande de Racoval. C'est une jeune femme ravissante et racée, à la peau éclatante, aux cheveux fauves. Elle n'est vêtue que d'un léger déshabillé. Belle Gueule la pose à terre. Rolande à Belle Gueule. Merci. Belle Gueule lui sourit largement, puis tandis que Rolande, toute joyeuse, va vers Pousset, il traverse la Seine au fond et rejoint l'ogre. Celui-ci lui donne un ordre à voix basse. Belle Gueule s'incline et pendant tout le début de la scène, on le verra d'abord enlever ses bottes, les poser dans un coin, puis dresser silencieusement sur la table le couvert d'une collation, fruits splendides, flacons de vin, etc. Et enfin se poster devant la porte à gauche, premier plan, immobile, les bras croisés. Rolande a poussé. « Ah, mon chéri, que c'est délicieux !» Poussé. « Délicieux, Rolande, et moi qui... » « Adorable, adorable, il n'y a que vous au monde pour avoir des idées pareilles !» L'ogre. « Pardon, il y a moi !» Rolande, qui n'avait pas prêté attention à l'ogre. « Plaît-il ?» L'ogre. « Je dis que c'est moi qui ai eu cette idée-là. » Rolande a poussé. « Qu'est-ce que ça signifie, poussé ? Qui est cet homme ?» L'ogre. « Prince de Blumen, archiduc de Hongrie. Vous êtes ici chez moi, madame. »« Chez vous ?» Poussé. « Oui, Rolande. » Rolande esquissant une révérence, mais gênée par l'absence de robe. « Ah, monseigneur, il faut que vous me pardonniez. Je ne pouvais pas prévoir que c'était cette surprise-là qui m'attendait. Je suis absolument confuse. » L'ogre. « Et de quoi ?» Rolande. « De ma tenue, monseigneur. » L'ogre. « Je vous y trouve fort ragoûtante. » Poussé. « Mais c'est vrai, Rolande, vous êtes nue. » Rolande. « N'exagérons rien, je suis inconvenante peut-être, mais je ne suis pas nue. » Poussé. « C'est pire. » Rolande. « Encore une fois, je m'en excuse, mon ami, mais ce n'est pas ma faute. Votre messager ne m'a pas laissé 10 secondes. J'ai pensé que nous serions seuls et que cela n'aurait pas autrement d'importance. Après tout, vous devriez être le dernier à vous plaindre. » L'ogre. « Je trouve aussi, oui. » Rolande. « Là, vous entendez, mon ami. Monseigneur me pardonne et consent à fermer les yeux. » L'ogre. « Je les ouvre tout grands, mais ça revient au même. » Poussé. « Bien, bien, puisque cela ne vous gêne pas. » L'ogre. « Ah ! Il est furieux. » Poussé. « Pas du tout, qu'est-ce que vous croyez ? » L'ogre. « Alors parfait, parlons d'autre chose. » Rolande. « Il est temps. Et vous, mon chéri, ne faites pas cette tête-là, ce n'est vraiment pas grave. » À l'ogre. « Ainsi, c'est à vous que je dois d'être ici, monseigneur ? » « Oui, il s'y opposait, lui. » Rolande. « Oh, vous me décevez. » Poussé. « Vous avouerez cependant, Rolande, que ce sont là des façons cavalières. » Rolande, quelle image avez-vous donc de moi, mon ami ? Me considérez-vous comme une prude ou comme une pimbèche ? Vous me faites injure. L'ogre, c'est ce que je n'ai pas cessé de lui répéter. Au fond, il vous connaît mal. Rolande, je commence à le croire. Poussé, le croyez-vous vraiment ? Rolande, bien sûr. Vous réalisez un projet ravissant. Vous m'arrachez à l'ennui de ce château désert où je me sentais vieillir et devenir laide à force de me morfondre. Vous me donnez la joie de vous revoir plus tôt et vous pensez que je serai fâché. L'ogre, c'est enfantin. Rolande. De grâce. Imaginez-moi, au contraire, bâillant sur mon grand lit sans y pouvoir dormir, m'énervant à me répéter « Il n'arrivera donc rien, rien, rien !» Et soudain, voyant apparaître cet admirable courrier qui s'incline et me vient chercher de votre part. Mais il n'y a pas de manière de prendre ça, mon ami, c'est d'un romanesque à frissonner, et je gage qu'il n'est pas femme au monde qui ne rêve d'une aventure pareille. L'ogre, parbleu. Ajoutez-y cette course vertigineuse dans les bras de cet homme, cette nuit chaude, lourde, enivrante, dont je reste encore remué. Ah, que c'était exceptionnel. Car il fait une nuit divine, vous l'avez peut-être remarqué. L'ogre, divine, madame, vous avez dit le mot juste, divine littéralement. Et je suis sûr que si Vénus, par exemple, se décidait brusquement à renaître sur Terre, c'est cette nuit-ci qu'elle choisirait. De grandes végétations pendraient du ciel, et la caravane se mettrait doucement à descendre vers nous le long des lianes et des plantes. Oh, bravo, monseigneur, exquis, c'est exquis. À pousser, n'est-ce pas ? Pousser. Oui, vous êtes très doué, mes compliments. L'ogre. Il n'y a pas de quoi. Ne soyez pas modeste. Quand je pense qu'il est des gens pour prétendre que tous nos beaux esprits sont à la capitale, j'ai envie de sourire. Mais au fait, monseigneur, pourquoi ne vous voit-on jamais à la cour ? Je suis prêt à parier que le roi est mon vassal, c'est à lui de se déranger, pas à moi. Vous êtes si puissant ? Sans doute. Et je ne le savais pas. Ce sont là de ces choses que les rois n'avouent pas volontiers. Le fait est qu'il se dégage de vous une autre majesté que de notre bossu. Poussé. Rolande. Ah, tant pis, mon ami, je le dis comme je le pense. Mais par exemple, je vous en veux de plus en plus. À l'ogre. Imaginez-vous que ce cachotier-là ne m'a seulement jamais prononcé votre nom. Comment, tu n'as jamais parlé de moi à ta fiancée, mon garçon? Vous le tutoyez? Je l'ai connu tout enfant, madame. Est-ce possible? Pourquoi non? Ah, c'est que j'aurais tant désiré de le connaître enfant. Il paraît qu'il était si petit, si gentil, si mignon. L'ogre a croqué. Poussé. Laissons là ce sujet, Roland. Non, non, oh non! Chaque fois qu'il m'advient de vous évoquer à cet âge si faible et si désarmé, je songe aussitôt à ce combat que vous avez soutenu contre l'horrible monstre, je songe à votre victoire et je suis très ému. Poussez, je vous en prie. L'ogre. C'est à l'ogre que vous faites allusion? Naturellement, oui, monseigneur. Nous sommes de grands amis, et je ne veux pas diminuer les exploits de votre petit fiancé, mais enfin, il ne s'est pas battu avec l'ogre et il ne l'a pas vaincu. Poussez. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Tu lui as volé ses bottes pendant qu'il dormait, voilà tout. Poussé. Évidemment, il m'était difficile de l'assommer à coups de poing. Mais pour en avoir triomphé de finesse, le résultat n'en est pas moins le même. Du reste, vous oubliez qu'il aurait fort bien pu se réveiller. L'ogre. C'est alors qu'on t'aurait vraiment vu à l'épreuve. Mais heureusement pour toi, il a continué de ronfler. Et tu as pu sans danger achever ta besogne. En effet, mon ami, vous ne m'aviez pas du tout présenté l'aventure sous ce jour-là. Mais si, Roland, maintes fois. D'ailleurs, demandez à n'importe qui, c'est dans tous les livres d'étrennes. Je ne crois pas, mon ami. Silence gêné. Un ange passe. Poussé. Ici, ça m'étonnerait. Roland, pourquoi? L'ogre. Si c'est vrai, en tout cas, je le plume. Roland. Mangeriez-vous la chair des séraphins, par hasard? L'ogre. Ce doit être bien tendre. Roland. Vous voulez ressembler à l'ogre? Ça ne me serait pas difficile. Comment? On a toujours dit que je lui ressemblais. Vous plaisantez? Non. Oh oh! Mais savez-vous, messieurs, que cet ogre-là est en train de me devenir furieusement sympathique? L'ogre, vous me flattez. Poussé brusquement. Et maintenant, Roland, il faut que nous nous en allions. Que nous nous en allions? Où ça? Loin d'ici, ailleurs. Roland. C'est une nouvelle surprise? Écoutez, mon amour. Roland à l'ogre. Vous ne nous quittez pas, naturellement. Poussé. Ah, si, par exemple. L'ogre. Il est aimable. Roland. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Poussé. Non, je vous dis simplement que nous devons partir. Eh bien, il y a des façons, ce me semble, de prendre congé d'un autre, et surtout d'un autre comme monseigneur. Êtes-vous gentilhomme, oui ou non? L'ogre. Il l'est, mais pas depuis longtemps. Vous voyez qu'en fait d'urbanité, nous n'avons rien à nous envier l'un à l'autre. Allons-nous-en, Roland, je vous expliquerai. Roland, où voulez-vous qu'on aille? Chez vous. Chez moi, déjà? L'ogre, mais non, il n'en est pas question. Roland, vous m'envoyez quérir chez moi au milieu de la nuit pour m'y raccompagner aussitôt que j'arrive? Vous savez très bien que s'il n'avait dépendu que de moi, vous y seriez encore. Admettons pour l'instant que je suis à l'extrême limite de la fatigue. Roland, fatigué? Vous êtes fatigué? Et de quoi? L'ogre. Petite nature, madame. Vous que j'ai toujours connu si ardent au plaisir, c'est le soir où s'offrent à moi les conjonctures les plus originales que vous vous déclarez brusquement fatigué? Oui, Roland, je conçois parfaitement à quel point tout ceci peut paraître anormal. Roland. Ah, tout de même. Poussé. Mais ce n'est ni le moment ni le lieu de vous donner les éclaircissements nécessaires. Vous comprendrez tout bientôt, je vous le promets. Roland. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Poussé. Je vous demande d'avoir confiance en moi et de me suivre. L'ogre. Allons, madame, ne le contrarions pas. Vous partirez avec lui dans quelques minutes, puisqu'il le veut si fort. Après tout, il est le maître que vous avez choisi. Il faut lui obéir et vous n'êtes plus libre. Détrompez-vous, monseigneur, je ne suis pas de celles qui obéissent. Ta-ra-ta-ta, querelle d'amoureux, madame. Nous allons la noyer dans le vin. Belle gueule. Vous boirez bien un doigt de Malvoisie. Belle gueule fait le service. Volontiers, monseigneur. Et vous goûterez sans doute à ses fruits. Quant à toi, tu ne me refuseras pas le coup de l'étrier, j'espère. Poussé. Soit, mais faisons vite. L'ogre. Décidément, il a un fichu caractère. Enfin. Je bois à votre bonheur, quand même. Un fruit, monseigneur? Non, merci, jamais. Je suis au régime. Roland. Au régime? L'ogre. C'est-à-dire à un autre. J'ai horreur des fruits. Votre futur vous racontera qu'en Afrique, certains êtres qu'il connaît bien en font une large consommation, mais quoi qu'ils prétendent, je ne suis pas de leur sorte. Roland, qui suit belle gueule des yeux. Vous avez là un domestique irréprochable. Quelle allure, quel style. L'ogre, la regardant fixement. Oui, il sait tout faire, et très bien. Roland. Je donnerais beaucoup pour en avoir un semblable. Eh bien, mais mon valet sera chez vous demain, madame. Rolande, quoi ? Vous me l'abandonneriez ? C'est impossible, je m'y refuse absolument, Rolande. L'ogre, allons bon. Rolande, pour cette fois, Poussez a raison, monseigneur. Il m'est impossible, en dépit de l'envie, d'accepter un cadeau pareil. Poussez, voyons. L'ogre, se levant. J'espère bien qu'avant de me quitter, vous en accepterez d'autres. Il se dirige vers le coffre. Rolande, d'autres ? Poussez, quels autres ? L'ogre qui a ouvert le coffre. Mais mes cadeaux de noces, vous les choisirez vous-même, madame. Rolande, vous plaisantez ? Poussez, qu'est-ce que c'est que ce piège ? L'ogre, ce n'est pas un piège, c'est un coffre. Rolande, mon Dieu, Seigneur, mais il est plein de bijoux. Comme vous êtes riche, monseigneur. Poussez, en quoi sa richesse peut-elle vous toucher ? Rolande, regardant autour d'elle. Et comme tout cela est étrange. L'ogre, quoi donc ? Je ne m'en étais pas aperçu tout d'abord, mais peu à peu, on en est comme pénétré. Poussez, qu'avez-vous ? Rolande, il y a quelque chose de trouble. Excusez-moi, monseigneur. L'ogre, mais oui. Poussez, si vous saviez, Rolande, cela n'est pas désagréable, d'ailleurs. L'ogre, mais non. Quelque chose de menaçant qui vous inquiète et vous attire, l'ogre. Mais oui. Rolande frissonne. Vous frissonnez, Rolande ? Oui. On est bien. Ici ? Est-ce vous qui parlez ? On se sent si petite, si faible tout à coup. L'ogre. Si femme. Et on est en même temps rassuré. À l'ogre. Parce que vous êtes là. Poussez. Lui ? L'ogre. Mais oui. Pas tout à fait d'ailleurs. Quand on vous regarde bien. L'ogre. Regardez-moi bien. Poussez. Oui. Regardez-le bien, Rolande. Et on se sent loin, loin, poussé. Loin de quoi ? De tout. De la vie qu'on mène, poussé. Mais pas des êtres qui vous aiment. De tout. Il y a en vous, je ne sais quoi, de violent qui, parfois... L'ogre. Parfois, oui. Souvent ? L'ogre. Souvent. Je la fais deviner. Elle fixe l'ogre. Poussez. Rolande, ressaisissez-vous. C'est à moi maintenant de dire que je ne vous reconnais plus. L'ogre. Imbécile. Poussez. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous osez dire ? L'ogre. Eh bien, voilà. J'ose dire que tu nous foutes la paix. Voilà ce que je dis. Poussez. Quoi ? Rolande. Comment vous parle, Poussez ? Et vous ne répondez pas ? Poussez à l'ogre. Croyez-vous par hasard que je ne comprenne pas autant votre manœuvre ? Rolande. Quelle manœuvre ? Croyez-vous que je ne vous vois pas venir avec vos gros sabots ? Ne te plains pas de mes sabots, tu leur dois ta fortune. Rolande, comment ? L'ogre. Tu étais moins scrupuleux alors, et tout à l'heure encore, quand tu es entré chez moi pour en rechercher d'autres. Hein ? Rolande. Je n'entends rien à ce que vous vous dites. Où suis-je à la fin ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? L'ogre. Demandez-le lui, madame. Il va vous l'expliquer. Poussez. Je vous ai menti, Rolande. Vous m'avez menti ? Je vous ai menti pour ne pas vous effrayer. Ce n'est pas à une partie de plaisir que vous avez été convoqué, mon amour, mais à la conclusion d'un combat sans merci. Quand vous êtes arrivé, je venais de vivre ici, pour vous, pour nous, des heures qui comptent des années. Je venais d'échapper par miracle au péril le plus implacable. Rolande, quel compte me faites-vous ? Poussez, nous sommes chez l'ogre, Rolande, et c'est lui qui vous a fait enlever. Rolande, quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? L'ogre, ce n'est pas une plaisanterie. Il referme le coffre. Rolande. Ah, mon Dieu ! L'ogre, mais il n'y a pas de quoi être effrayé. Rolande, mon Dieu, vous ne voulez pas me tuer ? L'ogre, pour qui vous prenez-vous, madame ? Quoi ? L'ogre, vous n'êtes plus assez jeune. Comment ? Pour être mangé. Poussez. Calmez-vous, mon amour, je suis là. Vous n'avez rien à craindre. Mais partons, nous n'avons plus une minute à perdre. Rolande, oui, oui, oui. L'ogre, j'avoue que je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas 5 minutes, nous devisions comme des amis. Rien n'a changé, je n'ai pas changé, et voilà que vous me regardez avec horreur. Rolande, vous êtes l'ogre. Eh bien oui, vous êtes l'ogre. Et après, ai-je un seul moment cessé de vous être accueillant ? Non. Alors, vous n'avez pas besoin de trembler ? Il ne s'est rien passé, il ne se passera rien. Oui, Vous voilà rassurée, j'espère. Elle regarde lentement autour d'elle. Tout ce qui l'entoure a pris maintenant un sens précis et terrible. À l'effroi du premier moment vient se mêler une curiosité trouble qui fixe son regard sur chaque objet et le retient, fasciné, en une interrogation muette que guette l'ogre. Poussez. Ne regardez plus rien ici, Roland, et venez. Roland, sans l'entendre. Je... Comme attirée, elle se dirige vers le saloir. C'est dans ce meuble que vous salez les petits-enfants ? L'ogre s'approchant. Je vais vous le montrer. Poussez, je vous le défends. L'ogre haussant les épaules. Il n'y a rien dedans. Il ouvre le saloir et du geste invite Roland à se pencher. Elle va le faire. Poussez. Roland ! Il n'y a rien dedans. Elle se penche et regarde longuement. Elle se redresse, le visage changé. Et à l'ogre. Vous les égorgez, montrant au mur un énorme coutelas suspendu dans sa gaine. Avec... L'ogre décroche le coutelas, tire la lame du fourreau. Roland. Oh ! L'ogre. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Elle s'approche. Il est nettoyé. Ah ? C'est pointu. Elle tend un doigt vers la pointe. Poussez. Je vous regarde, Roland. Je vous écoute. Roland, qui ignore Poussez de plus en plus. Vous enfoncez... Comme ça ? L'ogre faisant le geste avec le couteau. Comme ça ! Vous serrez la poignée très fort ? Oui. Montrez-moi. L'ogre met le couteau dans la main de Roland. Poussez. Mais c'est un jeu abominable, Roland. Avec ma main, serrez mon poignet comme vous serrez. L'ogre lui prend le poignet, le serre, elle pousse un petit cri, sourit. Plus fort. Il la serre plus fort en même temps qu'il frappe comme si la main de Roland était l'arme. Ah, vous me faites mal. Elle lâche le couteau qui tombe à terre. Poussez. Mon Dieu, on ne connaît donc d'un être que ce qu'on lui apporte. Et c'est à cette table-là que vous vous asseyez pour les manger ? Oui. Roland, elle se penche sur le hanap. Et ça, c'est du sang. Du sang ? Elle avance le visage comme si elle allait respirer l'odeur du sang. Poussez. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Elle regarde Poussez, puis, avec un sourire étrange, elle regarde l'ogre de nouveau. Vous êtes une créature terrible. L'ogre. Mais non, madame, pas avec les femmes comme vous. Poussez. Les femmes, il les viole. Vous violez les femmes ? Et celles qui résistent ? Je les mate avec mon fouet de chien. Montrez le fouet de chien. Poussez. Non ! Assez ! Assez ! Ça va suffire, vous entendez, Roland ? Que vous le vouliez ou non, vous allez me suivre maintenant. À l'ogre. Et vous, donnez-moi votre enjeu. Roland. Quel enjeu ? L'ogre. Une paire de bottes qu'il m'a gagnées au dé. Roland. C'était ça le péril où vous étiez plongé ? L'ogre. Tout juste. Et savez-vous quel était le sien d'enjeu ? Roland. Non. Poussez. Ah, vous allez vous taire, n'est-ce pas ? L'ogre à Roland. Son enjeu, c'était vous. Roland. Moi ? L'ogre. Exactement. Vous m'avez joué contre une paire de bottes ? Moi ? Moi ? Poussez. Je vous répète que je vous expliquerai tout, Roland. L'ogre. Il faut dire à sa décharge qu'il s'agissait de bottes de sept lieues. Et c'est pour les avoir que vous avez disposé de moi comme d'une chose à vous ? L'ogre. Oui. Poussez à l'ogre. Mais non, ce n'est pas ça. Vous savez parfaitement que ce n'est pas cela. Roland. Et vous oserez encore parler de votre amour ? L'ogre. Il n'y manquera point. Poussez à Roland. C'est par amour pour vous que je me suis battu. L'ogre. Au dé, Roland. Il n'y aura donc personne pour vous donner la leçon que vous méritez. Poussez. Roland, vous vous trompez, mais je vous jure que tout va s'éclaircir. À l'ogre. Quant à vous, donnez-moi ce que vous avez perdu. L'ogre. Non. Il prend les bottes, ouvre une porte et les y envoie à toutes volées dans la coulisse. Poussez. Comment ? Je dis non. Poussez. J'ai eu foi dans votre parole et dans votre promesse. L'ogre. Je ne tiens jamais mes promesses. Poussez. Ah, celle-ci, en tout cas, vous la tiendrez. C'est moi qui vous l'assure. L'ogre, non. Poussé qui s'avance sur lui, menaçant. Donnez-moi votre enjeu. Remettez-moi cet enjeu qui ne vous appartient plus. Ils sont tout près l'un de l'autre. L'ogre, brusquement, lui décoche un coup de poing massu qui l'envoie rouler à terre. Tiens, le voilà ton enjeu. Prologue. Ah ! Vous l'avez assommé ? L'ogre. Étourdi seulement, ne vous inquiétez pas. C'est la petite leçon que vous réclamiez tout à l'heure. Elle regarde Pousset, puis l'ogre. Puis elle s'approche de celui-ci lentement jusqu'à venir tout contre lui, et elle caresse de la main les buffleteries de son costume. C'est du cuir, votre habit ? Oui. On appuierait sa tête, là. Ça meurtrirait ? Oui. Oh, une tête de femme sur votre poitrine. L'ogre la soulève comme une plume et la prend dans ses bras. Viens, c'est moi qui te garde. Pousset qui rouvre les yeux. Rolande, c'est moi qui te garde, toute chaude et toute consentante. Fort, serrez-moi fort. L'ogre qui l'emporte vers sa chambre. Tu entends, Pousset ? Toute chaude et toute consentante. Poussé essayant de se relever. Rolande, mon amour ! L'ogre du seuil de sa chambre. Ton amour ? Une putain, mon cher, comme les autres. Il entre dans sa chambre, portant toujours Rolande dans ses bras, et il rabat violemment la porte derrière lui d'un coup de pied. Bruit de lourds verrous qui se referment. Poussé se relève péniblement et se précipite sur la porte contre laquelle il frappe du poing comme un forcené. Non, non, non, Rolande, ce n'est pas vrai! Ce n'est pas possible! Ouvrez, ouvrez, ouvrez-moi! Ouvrez-moi cette porte! Ouvrez, Rolande, un mot, un cri de toi, un seul cri, pour me dire que cela n'est pas vrai, ou je crève ici, par terre, comme une bête! On entend les rires de l'ogre et de Rolande. Poussé porte désespérément les mains à ses oreilles, fait quelques pas en chancelant comme un homme blessé à mort, puis il tourne sur lui-même et s'écroule de nouveau sur le sol, évanoui. À cet instant, la porte qui donne sur l'extérieur s'ouvre brutalement et Bellegueule, tirant Janelle par les poignets, entre. Comme elle résiste, il la fait virevolter à travers la pièce. Bellegueule, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu foutais là, caché derrière la porte, hein ? Tu ne veux pas répondre ? Il détache son fouet de sa ceinture. Tu ne veux pas répondre ? Il lève son fouet. Tu es venu seul ou il y en a d'autres avec toi ? Allez, parle ! Il la cingle de son fouet. Elle pousse un gémissement. « Vas-tu parler, vain Dieu ?» Janelle, « Poussé, où est Poussé ?» Bellegueule, « Quoi ? C'est lui que tu es venu chercher ?» Il s'approche du corps de Poussé, toujours évanoui, et le pousse du pied. « Alors tiens, regarde, le voilà, ton petit ami. » Ha ! Janelle se précipitant. « Vous l'avez tué ?» Bellegueule, « Pas encore, non. Ce sera pour tout à l'heure, sans doute. » Il va vers la porte de la chambre de l'ogre, y colle son oreille, puis se redresse en souriant. Oui, tout à l'heure, tout à l'heure. En sortant. Il y a de la distraction ce soir. Il est sorti. Janelle à genoux près de Poussé. Mon amour, réveille-toi, c'est moi. Je suis là maintenant, près de toi. Je me suis échappé. Il y a des heures et des heures que je suis parti du village et que je marche pour te rejoindre. J'ai cru que je n'arriverais jamais. Mon Dieu, comme il est pâle, comme ses mains sont glacées. Mon amour, avais-tu donc besoin vraiment de ce mal que tu es venu chercher ici pour te guérir de celui qu'on t'a fait, dit ? Fallait-il qu'on te fît toucher le fond pour que tu te ressaisisses enfin ? Et comment vais-je te retrouver ? Ah, ouvre les yeux, mon amour. Reprends-toi ou nous sommes perdus, tous les deux. Poussé revient à lui. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas ? Il ne t'a pas fait de blessure, dit. Réponds. Poussé. Qui êtes-vous ? Janelle. C'est moi, Poussé, moi, Janelle. Je t'en supplie, rassemble tes esprits, mon amour. Je sais que je te demande un effort surhumain, mais il faut que tu le fasses. Poussé, hagard, se redressant. Oui, oui. Où sommes-nous ici ? Janelle, dans la maison de l'ogre, et il va revenir. Poussé, dans la maison de l'ogre ? Mais alors ? Au secours ! Je me rappelle tout à présent. Roland est là, avec lui, derrière cette porte. Toute ma vie est là, derrière cette porte fermée. Jeannelle, toute ton ancienne vie poussée, ça n'a plus d'importance. Poussée, pourquoi es-tu venue ? Jeannelle, pour ne plus te quitter. Poussée, va-t'en. Jeannelle, poussée, il ne fallait pas venir. Je n'avais pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Nous n'avons plus rien à nous dire. Va-t'en. Pourquoi est-ce que tu es venu ? Pour me voir hurler de douleur ? Pour connaître cette maison de massacre et de viol qui excite les filles ? Hein ? Réponds. Ou plutôt non. Va-t'en. Je veux que tu t'en ailles. Marchant sur elle. Est-ce que tu vas m'obéir à la fin ? Faudra-t-il que je te chasse ? Dis. Comme tu souffres, poussée. Peut-être. Mais je veux souffrir seul. Est-ce qu'on me laissera ça au moins ? Va-t'en, Jeannelle. Il n'y a plus rien à faire. Jeannelle. Allons donc. Poussée, il n'y a rien d'autre à faire qu'à se laisser assassiner quand il ressortira de cette chambre. Et c'est l'unique chose que je désire, parce que je n'ai plus de force, Jeannelle. Écoute-moi bien, Poussée. Je vais t'apprendre quelque chose que tu commences à peine à deviner. Il y a des heures que je suis parti du village et que je suis en route. Mais au vrai, il y a des années que, sans le savoir toi-même, tu m'appelles au secours et que je suis en marche. Moi, je t'avais oublié. Mon pauvre petit bonhomme, est-ce qu'on oublie ce qui vous empêche de se mépriser soi-même ? Seulement voilà, c'est dur, hein ? C'est dur de se remettre aux pieds les souliers de tout le monde. Poussez jamais, Jeannelle. On a rencontré l'ogre trop tôt, on l'a vaincu trop vite, par malice, on croit que c'est arrivé, et voilà maintenant qu'il faut tout recommencer. Poussez. Mais tu ne sens donc pas que je n'en peux plus, que tout m'est égal, et que je n'ai plus de courage ? C'est faux. Tu as cru te servir des fées de cet lieu, et c'est elle que tu as servi, car c'était si facile, oui, trop facile. Mais tu as toujours eu du courage, et ce matin encore, quand tu as quitté Plante Rose, c'est toi qui m'en as rendu. Poussée. Ah, parle-moi, Jeannelle, parle-moi encore. Je n'ai plus que toi qui me raccroche au monde. Jeannelle, enfin, Poussée. Oui, plus que toi, Jeannelle, hélas. Nous n'avons jamais eu que nous au monde. Et c'est à la grande douceur de cet amour que nous nous étions voués. Et je voudrais te rappeler tant de choses. Tiens, tu vas te moquer de moi, peut-être. Mais tout le temps que j'ai été petite, j'ai cru que Christophe Colomb, c'était toi. Tu disais, 3 jours, accordez-moi 3 jours encore et je vous donne un monde. Poussée, je disais cela, Jeannelle. Et tu étais à la fois si impérieux et si implorant que les 3 jours, je te les accordais. Je t'aurais accordé tous les jours de la semaine, Poussée. Et je te donnais un monde, Jeannelle. Tu me donnais un monde. Toute la journée, je portais avec précaution le globe dans mes bras. Le soir, je le déposais précieusement sur le pied de mon lit et en m'endormant, je me répétais doucement « Mon petit Poussée a découvert un monde pour moi. » Poussée. Je pouvais te faire croire cela, Jeannelle. Tu pouvais tout me faire croire. Ah, comme j'ai cru en toi, Poussée. Comme je crois encore en toi. Et entends-moi bien, tu n'as plus rien à craindre. Ce n'est point vers cette porte fermée qu'il faut que tu te tournes, mais vers celle-ci. Regarde, regarde, que j'ouvre maintenant sur le jour qui se lève. Poussée, le jour déjà, Jeannelle, oui, le jour. Et non pas un jour qui succède à tous les autres jours, mais un jour neuf, un jour de nouveau neuf comme toi, qui renaît avec toi. Le jour, Poussée, et le soleil bientôt qui va croître sur l'horizon comme un grand géranium. Poussée, je vais donc revoir encore une fois le soleil, Jeannelle, des centaines et des milliers de fois, car nous sommes vivants tous les deux, et nous allons repartir ensemble, et l'air que l'on respire nous vient de ta forêt, et il y a de nouveau de la lumière dans ton visage, et nous avons gagné. À cet instant, la porte de la chambre de l'ogre s'ouvre et celui-ci apparaît, Poussée, reculant. Ah ! Jeannelle, non, ne bouge pas. L'ogre apercevant Jeannelle. Qu'est-ce que c'est que celle-là ? Ah, ça m'est inouï, mon garçon. Je te souffle une femme et un quart d'heure après, tu en as déjà une autre. Se retournant vers l'intérieur de la chambre. Pardonnez-moi, mon cœur, je vous reviens dans une minute. Belle gueule. Approche un peu par ici, toi. Cette femme qui est là, dans ma chambre, elle te plaît ? Oui ? Alors vas-y, je te la donne. Belle gueule fonce dans la chambre dont il reclaque la porte derrière lui. Ha ! Roland, mon amour féerique, tout de flamme et tout de pureté. À mon aigre, à mon aigre, à mes chiens, si je voulais. Jeannelle, tue-le ! Poussée, bondissant sur l'ogre. Oui ! Il lui arrache son coutelas et le lui enfonce dans la poitrine. L'ogre faisant quelques pas. Ah ! Et il s'écroule frappé à mort. Poussée. Comme il est grand. Janelle prend Poussée par la main. Viens, suis-moi maintenant. Ils vont pour sortir, mais la porte s'ouvre brusquement et Grive apparaît portant les bottes de l'ogre à bout de bras. Grive. Seigneur, seigneur, les voilà, je les ai volées pour vous. Chut. Elle pose les bottes sur la table. Soudain, elle aperçoit l'ogre. Ah, mon Dieu, le maître est mort. Elle s'enfuit. Le maître est mort. Janelle, qu'est-ce que tu as poussé? Regarde, Janelle, les bottes de cet lieu. Janelle, ah non, non, il n'est pas possible cette fois-ci que tu n'aies pas compris et que tu recommences. Poussé faisant un pas vers la table, les fées de cet lieu. Janelle, si tu prends ces bottes, Poussé, je ne pourrais pas te suivre. Même si tu m'en donnais une, nous ne pourrions aller ensemble qu'à cloche-pied. Qu'est-ce que c'est que cet lieu, Poussé? Lorsque le cœur va si profond. Poussé qui se saisit des bottes. Avec elle, de nouveau, la facilité merveilleuse de vivre. Janelle, et avec moi, la malédiction merveilleuse de vivre. Poussé regarde Janelle. Puis, tout d'un coup, il lance les bottes dans la cheminée. L'histoire du petit Poussé est terminée. Janelle, et l'histoire du grand Poussé commence. Poussé, allons-nous-en d'ici. Janelle, oui, mon amour. Et nous marcherons lentement sur la terre. Ils sortent. Puis on voit l'ogre se redresser tout droit comme un arbre abattu qu'on relève, de nouveau bien vivant. Ha ! Pauvre idiot qui croit qu'on tue les ogres pour longtemps. Il va vers la table, se verse un verre de vin qu'il avale d'un trait. À cette minute, on entend frapper à la porte donnant sur le dehors. Entrez ! La porte s'ouvre et apparaissent 7 petits garçons habillés de guenilles, tenant leur bonnet à la main. Le plus petit de tous. Nous vous demandons pardon, mon bon monsieur, mais nous nous sommes perdus dans la forêt et nous avons bien froid. Si nous pouvions seulement nous réchauffer un peu dans votre cheminée. L'ogre, mais bien sûr, mes agneaux, entrez, entrez et réchauffez-vous. J'aime beaucoup le sang tiède. Ha ! Et soudain, appelant vers sa chambre. Belle gueule ! De la chair fraîche ! Il s'avance vers les enfants. Il y a toujours de la chair fraîche. Rideau. Fin du grand Pousset.